détails, j'ai ce que j'ai à faire. Pour avoir le respect, j'ai dû en grosser, il fallait le faire. Pour passer au disque d'or, je sais comment faire. Pour avoir des thunes de pute, je sais comment faire. Essaye de me retailler, j'ai ce que j'ai à faire. Pour avoir le respect, j'ai dû en grosser, il fallait le faire. Quad 9 mm, j'ai ce qu'il me reste à faire en période de guerre. J'suis sûr de moi, tire ou tire quoi, mais raconte pas ta vie. La vengeance est un plat qui se mange froid, même si à chaud mon calibre est dans ta bouche. Les jaloux veulent nous crever les pneus, une bécane, une rafale, tu fis comme une vieille. Une picouse en moins de deux, tu finis sous paire. Les murs ont des oreilles, ça pue la grosse peine. À deux chiffres, coco, cocaïne, la montée d'adrénaline. RAMB, veille sur moi, ses yeux ne mentent pas comme son 11. 43 ne pardonne pas. Pour marquer mon territoire, je sais comment faire. Je sais comment faire. Pour passer au disque d'or, je sais comment faire. Pour avoir des thunes de pute, je sais comment faire. Essaye de me retailler, je sais ce que j'ai à faire. Pour avoir le respect, j'ai dû en grosser, il fallait le faire. Pour passer au disque d'or, je sais comment faire. Pour avoir des thunes de pute, je sais comment faire. Essaye de me retailler, je sais ce que j'ai à faire. Pour avoir le respect, j'ai dû en grosser, il fallait le faire. Le groupe Northside sait ce qu'il a à faire. Pas besoin de tes commentaires, on sait ce qu'on a à faire. Que je vende la 09, ce ne sont pas tes affaires. T'as beau dire que j'irai en enfer, je sais ce que j'ai à faire. Viens pas faire le frère, après je t'ai menacé ta mère. Radmou, je peux tirer pour toi, ça faut pas t'en faire. Poser les genoux à terre, on n'a jamais su le faire. Si tu penses le contraire, viens faire le gangster. Comme une fille facile, j'ai la gâchette facile. Pas de pète, un capoulet reste en V, ça c'est nos styles. Dans notre sang, c'est la haine qui se distille. Gay, dans ma fille, peut tester l'équipe de 6. Comme Jérôme le banner, j'ai les nerfs. J'suis trop déter pour faire taire, c'est une langue de vipère. Pour nos affaires, je sais ce qu'il y a à faire. Tu sais comment faire, j'prends une pelle et j't'enterre. Pour passer au disque d'or, j'sais comment faire. Pour avoir des thunes de pute, j'sais comment faire. Essaye de me retailler, j'sais ce que j'ai à faire. Pour avoir le respect, j'ai dû en grosser, il fallait le faire. Pour passer au disque d'or, j'sais comment faire. Pour avoir des thunes de pute, j'sais comment faire. Essaye de me retailler, j'sais ce que j'ai à faire. Pour avoir le respect, j'ai dû en grosser, il fallait le faire. Pour passer au disque d'or, j'sais comment faire. Pour avoir des thunes de pute, j'sais comment faire. Essaye de me retailler, j'sais ce que j'ai à faire. Pour avoir le respect, j'ai dû en grosser, il fallait le faire. Pour passer au disque d'or, j'sais comment faire. Pour avoir des thunes de pute, j'sais comment faire. Essaye de me retailler, j'sais ce que j'ai à faire. Pour avoir le respect, j'ai dû en grosser, il fallait le faire.